Le rendez-vous des permanents et membres de l'Union des femmes pour apprendre la vertu du général Kim Jong-il a eu lieu le 10 à la Maison des femmes à Pyongyang à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance. Jin Yong-hwa, épouse du combattant révolutionnaire anti-japonais Park Hang-nim, Kim Sun-hwa, fonctionnaire au ministère de la Culture et autres oratrices, ont expliqué que Kim Jong-il est né fils des partisans comme étoile guide du Baekdu et a créé la noble histoire de camaraderie pendant toute sa vie révolutionnaire. Ils ont souligné que ses exploits révolutionnaires accomplis pour le progrès de la patrie et le bonheur du peuple à travers d'interminables tournées d'inspection ultra dures pendant toute la vie brillent davantage grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un.